me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment, au-delà de la voix de la bureaucratie et de ses scribes au style ampoulé et sans âme, dans les sources écrites, retrouver les voix directes des Ottomans au XVIIIe-XIXe siècle ? N'y aurait-il que le sultan pour faire entendre ses sentiments grâce à une expression très directe et vivante? Comment mesurer l'impact des sources écrites, demande l'historien turc Edem Eldem, et comment gérer le problème des sources décontextualisées? Que pouvons-nous apprendre de la note de Selim III à son vizir, où il exprime sa satisfaction à la réception d'un portrait de Napoléon? Grand spécialiste du monde ottoman, professeur à l'université du Bosphore, Edem Eldem a été nommé pour 5 ans titulaire d'une nouvelle chaire internationale du Collège de France, consacrée à l'histoire turque et ottomane, qu'il aborde selon 2 axes majeurs, les processus de modernisation et les rapports avec l'Occident. Le cours précédent nous a présenté un empire ottoman traumatisé par la perte du joyau égyptien en 1798 et devant se mobiliser et penser sa transformation face à une Europe conquérante qui affiche une modernité à la fois attirante et repoussante. La sublime porte s'est retrouvée à la merci d'alliances internationales, nous dit Edem Eldem, pour assurer sa propre survie dans un environnement de plus en plus menaçant. En fin de cours, l'historien turc s'est attaché aux techniques et aux publications qui pouvaient introduire une modernité tout en notant la superficialité de ces nouveautés entre érudition, ignorance et un tirage limité pour les livres. C'est une question qui nous force à nous interroger, nous dit-il, sur la représentativité et l'impact de ces innovations. Des ouvrages ottomans traitent de l'Amérique depuis le début du XVIe siècle, mais ce savoir reste en surface, incapable de pénétrer les couches d'une population tenue à l'écart de cette production intellectuelle. D'où l'importance de ne pas se contenter d'examiner les documents, mais d'essayer d'en étudier la diffusion et la réception, écrit Edem Eldem dans sa présentation. C'est là, ajoute-t-il encore, une des faiblesses majeures de l'histoire ottomane qui se limite souvent à prendre ses documents au pied de la lettre sans se soucier de l'ampleur ou même de l'absence d'une réception. Il en découle aussi une prédilection pour les textes canoniques auxquels on attribue plus d'importance sans même savoir s'ils étaient vraiment lus. L'historien poursuit donc son analyse des rapports entre l'État sublime et l'Europe et il nous introduit à son atelier en quête d'une approche fine et solide. Et nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France les 26 janvier et 2 février 2018 pour le cours d'Edem Eldem, l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, aujourd'hui, comment retrouver la voie des Ottomans? Comment gérer ce problème des sources décontextualisées, des sources dont on n'arrive pas vraiment à mesurer, à qualifier, à identifier l'impact? Parce qu'un bouquin, c'est bien joli, un texte, un manuscrit, un document, un livre, c'est bien joli. C'est quelque chose dont vous pouvez prouver l'existence et la production. Mais si l'on veut reprendre la métaphore purement économique, si vous n'avez que la production et vous n'avez pas d'informations quant à la distribution, quant à la consommation. Pouvez-vous expliquer ce qui se passe ? C'est pareil pour les textes. C'est-à-dire que les textes, tant que vous n'arrivez pas à mesurer leur diffusion, leur réception, pareil pour les images d'ailleurs, que pouvez-vous vraiment dire de ces documents quand vous essayez de les remettre dans un contexte social, politique, économique, culturel ? Un exemple que j'utilise toujours, c'est ce fameux voyageur ottoman du XVIIe siècle. Tout le monde le connaît, Evliya Çelebi. 10 volumes. 10 volumes de voyages qui sont extrêmement intéressants, d'autant plus que c'est un auteur de génie qui combine l'information souvent assez sûre avec des curiosités d'ethnographes. Il lui arrive, par exemple, de reproduire des accents, ce qui est fascinant. C'est le genre de document que l'on rêve de trouver. Avec, en plus, de l'humour. Beaucoup d'humour et une partie autobiographique, puisqu'il est lui-même partie prenante de la plupart des expéditions qu'il représente, que c'est vraiment une mine d'informations pour comprendre la société ottomane, notamment cette société, cette élite gouvernante du milieu du XVIIe siècle. C'est une mine d'informations. Seulement, voilà, Evliya Çelebi n'a été découvert qu'au XIXe siècle, le texte, par Hammer von Purgstall, un orientaliste allemand, l'auteur de l'histoire de l'Empire ottoman qui a fait fureur pendant tout le XIXe siècle et qui est encore une source extrêmement solide de l'histoire événementielle de l'Empire ottoman. Un orientaliste, donc, qui, en fouillant dans les bibliothèques de Constantinople, a découvert ce manuscrit. On n'en connaît, si je ne me trompe, que 5 ou 6 exemplaires. Ce qui déjà vous donne une idée de sa circulation. On ne le retrouve pas dans les inventaires après décès du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Les inventaires après décès sont une source exceptionnellement riche de la culture, notamment quand il s'agit de livres, puisqu'ils sont en général répertoriés dans le plus grand détail, et vous arrivez, si vous avez la patience, à décortiquer des inventaires pour vous faire une idée de ce que lisaient les Ottomans d'un certain statut. Il n'y apparaît pas. Alors bien sûr, il a été produit au XVIIe siècle, je ne remets pas en question l'existence d'Evliya Çelebi, mais que faire d'un auteur, d'un ouvrage, aussi parfait qu'il puisse être, lorsqu'on n'arrive pas à l'ancrer dans la réalité du XVIIe siècle du point de vue de la réception, du point de vue de la lecture. C'est un problème de taille. Et le problème, ça n'est pas tant qu'il est souvent insoluble, mais qu'on n'en tient pas compte. Encore une fois, en histoire, ce qui compte, ça n'est pas de pouvoir répondre à tous les questionnements, de répondre à toutes les questions, toutes les interrogations, mais de se les poser. Et lorsqu'on analyse un texte, de le faire avec la connaissance des limites ou des défauts qui caractérisent telle ou telle source. Or, si vous regardez un peu la manière dont Evliya Çelebi est utilisé, c'est en général d'une manière extrêmement neutre, c'est-à-dire qu'on ne pense pas au fait qu'il n'était probablement pas lu au XVIIe siècle, par ses contemporains, ou par ses successeurs au XVIIIe siècle. Et par conséquent, on en retire ce qui compte pour l'historien au niveau de l'information la plus simple, c'est-à-dire les événements, les informations factuelles. C'est bien, mais ce n'est pas une histoire de la culture, de la lecture, de l'ouvrage, de la pensée. Comment faire ? Encore une fois, je n'ai pas de réponse. Mais on peut déjà commencer par se rendre compte du problème et par conséquent prendre ces textes avec des pincettes. Et ne pas se lancer, par exemple, comme le font beaucoup d'historiens turcs, dans une sorte de comparaison entre Evliya Çelebi, que l'on juge être bien meilleur que tous ses contemporains occidentaux. Puisque ça n'a pas vraiment de sens. D'abord parce qu'il y a des voyageurs extraordinaires au XVIIe siècle, et c'est là que ça commence vraiment, mais d'autre part parce que le véritable problème, ça n'est pas de comparer un texte avec un autre, mais de comparer un phénomène avec un autre. Et là, il faut remettre en question le fait que, du côté ottoman, on en a un. Enfin, il y a quelques autres exemples, mais ils sont extrêmement rares. Et du côté occidental, on est submergé par un nombre époustouflant de voyageurs qui souvent se répètent, se copient, etc. Bon, mais il y en a plein. Et par conséquent, vous pouvez, si vous le voulez, et c'est ce que des gens comme Stéphanie Racimos ont fait, par exemple, vous pouvez utiliser cette masse d'informations pour étudier le voyage. C'est-à-dire ne pas réduire ce document à une source d'information directe de l'existence ou non de tel puits ou de telle colonne dans je ne sais quel village, mais vous posez la question de ce qui fait bouger ces gens, comment ils perçoivent l'extérieur, voir s'il y a des modes, s'il y a des... Souvenez-vous de l'excellent ouvrage de Paul Hazard, 1936, La crise de la conscience européenne, où l'un des chapitres, justement, où il parlait de cette transformation de la conscience européenne, était rattaché à la découverte de l'autre, à la découverte de l'autre monde, que ce soit l'Égypte, la Chine, le Japon ou l'Empire ottoman, à partir du XVIIe siècle, comme raison fondamentale pour une remise en question de son propre monde, et par conséquent du début, en quelque sorte, de cette crise de conscience qui va donner naissance, en grande partie, aux Lumières. Alors, vous ne pouvez pas faire ça avec Evliya Çelebi, puisqu'il est seul. Et que par conséquent, vous ne pouvez pas généraliser sur un cas unique. Alors, c'est un problème insoluble, puisque vous avez, en gros, le problème de base de la documentation historique. D'une part, la source unique qui devient douteuse du fait de sa nature anecdotique. Et de l'autre, vous avez les sources sérielles qui se répètent et qui, par conséquent, vous donnent la possibilité de contrôler, d'utiliser une méthode critique d'analyse pour voir si tel ou tel élément de cette série est vraiment différent ou pas, s'il se fond dans la masse, s'il correspond à une tendance ou si, au contraire, il s'en distingue. Et c'est là que vous commencez à avoir une vision très intéressante des choses. Encore une fois, je ne cracherai pas sur Evliya Çelebi, c'est excellent, c'est un texte excellent. Mais du point de vue de l'historien qui veut aller au-delà de ce que ce bon Evliya Çelebi veut bien dire, il voudrait replacer ça dans un contexte intellectuel, mental, culturel, social, c'est extrêmement frustrant. On n'arrive pas à dépasser. Et en plus, encore une fois, l'illusion des grands textes est un danger permanent. Et pas que dans le contexte ottoman. Alors, dans le contexte ottoman, je dis souvent à mes étudiants à Istanbul que si l'on retirait au XVIe siècle l'architecte Sinan, au XVIIe siècle Evliya Çelebi, au XVIIIe siècle, l'artiste Levni, par exemple, et au XIXe siècle, Cevdet Pasha ou Osman Hamdi, on n'aurait plus d'histoire. Et bien sûr que c'est une exagération, mais c'est un moyen de souligner le fait que nous avons tendance à utiliser et à réutiliser de manière sempiternelle les mêmes sources parce que ce sont les meilleures et parce que ce sont les plus parlantes. Mais c'est là qu'est le problème, parce qu'une fois que vous avez décortiqué ces sources, et en plus, si ces sources, vous n'arrivez pas à les arrimer, à les amarrer, à les ancrer dans un contexte de lecture, de transmission, de généalogie, vous êtes perdu. Ce sont des anecdotes. Et encore une fois, ce n'est pas qu'un phénomène ottoman. Je vous rappelle le travail excellent qui a été fait par ce grand historien des Lumières françaises, américain, Robert Darnton, pour les intimes, que vous connaissez peut-être, pour sa production incroyablement riche sur le livre et la lecture et la censure au XVIIIe siècle en France. Et il a travaillé non pas à partir des livres, mais à partir d'archives qui vous parlent de la production, la distribution et la consommation des livres. C'est-à-dire qu'il est allé voir les archives de la Société typographique de Neuchâtel, où la plupart de ces bouquins interdits en France étaient produits. Il a vu la correspondance de cette société typographique avec le public et avec les revendeurs de ces ouvrages. Et bien sûr, il a eu recours à ce qui est une des plus riches informations sur la circulation des livres, la police, les archives de la police et de la censure. Et par conséquent, lorsqu'il parle de la diffusion, de la circulation, de la lecture des livres en France au XVIIIe siècle, il nous montre bien que les plus lus n'étaient pas Voltaire ou Rousseau, mais des ouvrages, des auteurs aujourd'hui complètement oubliés, qui faisaient un peu de tout, y compris de la science-fiction, beaucoup de pornographie, mais qui tous étaient d'une manière ou d'une autre reliés à ces auteurs, aux philosophes de la lumière, et qui par conséquent contribuaient en quelque sorte, mais d'une manière souvent extrêmement tordue, à la propagation, à la dissémination des idées nouvelles parmi un public de lecteurs de plus en plus large. Et ça, c'est très important, puisque, encore une fois, cela ne veut pas dire que Voltaire ne mérite pas d'être lu, ou que Voltaire n'a pas sa place dans le panthéon des philosophes et des auteurs du XVIIIe siècle, mais c'est simplement un rappel que la haute littérature, cette production que l'on reconnaît parce qu'elle a été canonisée, n'est pas forcément celle qui est, par ses contemporains, la plus lue. Et que par conséquent, si on veut vraiment se pencher sur un phénomène de lecture, il faut aller voir, non pas à la source, mais à la fin, voir ce qu'il arrive d'un ouvrage produit à telle date, une fois qu'il est distribué ou censuré, et ensuite qu'il parvient à un certain lectorat, à un certain public. Et lorsque vous transposez la richesse des études de Darnton dans le contexte du XVIIIe siècle ottoman, ou même du XIXe siècle, où nous n'avons même pas une idée claire du nombre de volumes produits, lorsque l'imprimerie reprend du poil de la bête au XIXe siècle, nous ne savons pas quel est le nombre d'ouvrages qui sont publiés. Nous avons une liste d'environ 30 000 titres. Mais était-il vraiment lu? Était-il censuré à la source? Nous ne savons pas assez comment cette production était consommée, comment cette production était reçue, perçue. Et par conséquent, nous pouvons dire toutes sortes de choses sur les auteurs, sur les idées qui inspiraient les auteurs, et encore à condition de faire un bon travail de lecture des généalogies possibles de ces ouvrages. Mais quand il s'agit de voir la réception, la compréhension, l'impact de ces textes, sans compter que, en général, on se focalise uniquement sur les textes en turc, oubliant que la moitié de la population n'était pas turcophone, mais parlait l'arménien, le grec ou le ladino, vous comprenez à quel point le défi est grand si l'on veut vraiment se pencher sur une compréhension de la manière dont cette société se transforme à la force des textes et de la dilution de ces textes sous toutes sortes de formats. Et maintenant, je passerai à l'autre aspect de cette question. J'ai, j'ai, j'ai établi une sorte de différence entre le apax, ou le document unique, et le document sériel, l'anecdote et le sériel. Il y a aussi la différence entre un document où vous pouvez prétendre entendre une voix, une vraie voix, et le document qui, par la forme, du fait de sa nature, est beaucoup plus conventionnel, et par conséquent, a beaucoup moins de chances de vous rendre une perception réelle des mentalités qui informent cet ouvrage et la société qui les produit, qui les consomme. Reprenons l'exemple de Mahmoud Raïf Efendi, sa préface. Faut-il la prendre au pied de la lettre ? Faut-il la lire comme une sorte d'autobiographie ? Pas du tout. Le texte est un texte bon pour l'Occident, et Mahmoud Raïf Efendi est en train de donner exactement ce qu'il est attendu de lui, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi ce texte a été produit, et il est probable que plus de la moitié de ce qu'il y dit est en fait un vœu pieux ou alors tout simplement une confirmation de ce qu'il voulait prouver. Tandis que vous avez des textes autobiographiques qui sont beaucoup plus directs. Encore une fois, dans un contexte ottoman, on est privé de certaines catégories de textes qui sont si riches, si productives dans la tradition occidentale. Je veux dire, je parle des procès-verbaux. Les procès-verbaux, c'est fascinant. Les procès-verbaux, c'est quelque chose qui vous permet, et vous pouvez remonter jusqu'au Moyen-Âge dans certains cas, ce sont des documents qui vous permettent de reconstituer une conversation ou un discours avec très peu de distorsions, probablement. Encore une fois, souvenez-vous du travail sur le fromage et les vers de Carlo Ginzburg, qui a été fait à partir de procès-verbaux de ce qui est probablement un des contextes les plus irrationnels, l'Inquisition. C'est ça que l'Inquisition a de beau. C'est que cette violence, cette irrationalité, elle est documentée mot par mot dans les procès-verbaux des tribunaux. Et que par conséquent, lorsque vous lisez un passage qui concerne l'interrogatoire, voire la torture d'une victime, vous avez une représentation parfois très naïvement directe de tout ce qui y est dit. C'est une tradition. Elle est ce qu'elle est, il ne faut pas y attacher une forme de modernité ou de rationalité qui soit différente des autres, mais c'est une tradition. Les Ottomans ne le font pas. C'est-à-dire que les registres des tribunaux dans l'Empire ottoman, les mahkeme sigilleri, les registres qui tiennent compte, qui rendent compte de la procédure juridique dans un tribunal, ce ne sont que des résumés de chaque cas qui sont rédigés, généralement après les cas, souvent en fin de semaine ou en fin de mois, par un secrétaire. Et par conséquent, vous y trouvez l'essentiel de la procédure, qui accuse qui de quoi, et la décision finale, mais vous n'avez pas de citation, vous n'avez pas de procès-verbaux. Et par conséquent, lorsque vous essayez d'entendre la voix de ces gens, vous êtes extrêmement frustré parce que vous n'entendez qu'une voix, c'est celle de la bureaucratie, qui, elle, traduit selon ses priorités, selon son entendement, ce que les gens se sont hurlés à la figure lors du procès, lors d'un procès. J'ai une collègue américaine, Leslie Pierce, qui a fait un travail remarquable sur les registres des tribunaux de la ville d'Aïn Tab, dans l'Anatolie du Sud-Est, au XVIe siècle, où elle s'est vraiment décarcassée pour essayer de lire ces documents au plus près, pour en tirer quelque chose qu'elle pouvait, avec un certain degré de certitude, identifier comme étant la voix de certaines femmes. Elle s'intéressait en particulier aux femmes, et par conséquent, en travaillant sur le détail de ces procès-verbaux qui n'en étaient pas, ces résumés, elle est parvenue quand même à grande peine de trouver quelques moments dans ces résumés où on sentait bien que ce n'était pas la voix du scribe ou la plume du scribe, mais bien la voix d'une personne au tribunal. Mais jusqu'à la fin du XIXe siècle, les Ottomans n'utiliseront pas cette arme magnifique qu'ont les historiens, celle du procès-verbal. Et que, par conséquent, ce qui est extrêmement difficile, c'est de trouver des documents que vous puissiez vraiment identifier comme étant une sorte de représentation de la pensée directe d'un individu. J'en ai quelques-uns, et là, bien sûr, on tombe dans l'anecdote, puisque chaque document est pratiquement unique. Vous parlez d'une correspondance qui n'est même pas suivie. Vous n'avez pas le genre de correspondance comme elle est si présente au XVIIIe et au XIXe siècle en Occident, entre amis, entre intellectuels, les Ottomans correspondent probablement entre eux, mais pas de la même manière. Et surtout, cette correspondance a généralement disparu. Ce qui est mieux conservé, ce qui est le mieux conservé dans le contexte ottoman, ce sont les archives de l'État. Et ça, bien sûr, c'est tout sauf de la sincérité. L'État ment, par définition, et quiconque est confronté à l'État ment aussi. Sinon, si on commençait à faire de l'histoire économique à partir des déclarations d'impôts, par exemple, notamment en Turquie, on aurait une vision quelque peu biaisée de la véritable fortune des populations turques. Donc, c'est le problème des archives d'État. Cependant, tout en haut, au sommet, au fait de la puissance, vous avez quand même un individu dont la parole est tellement sacrée qu'elle est retenue dans sa forme originelle. C'est le sultan. Ce qu'on appelle un Hatte Humayun, c'est-à-dire un décret impérial ou une écriture impériale, c'est un type de document qui a été soumis à l'approbation du sultan et par conséquent au-dessus duquel on voit une inscription de la main du sultan jusque dans les années 1830, de la main du sultan où le sultan s'exprime directement sur la question qui lui est posée. Et ces documents sont très intéressants parce que, justement, le sultan n'a pas de complexe. Le sultan n'a pas de retenue. Le sultan n'a pas besoin de se demander s'il va être publié, s'il va être relu. Il se lâche, comme on dit. Et par conséquent, vous avez là des textes qui sont souvent extrêmement directs, extrêmement vivants, et qui vous donnent une idée, bien sûr, pas de l'ottoman moyen, mais d'un ottoman qui, tout en étant au sommet de l'État, reste intellectuellement assez proche de la moyenne. Ce ne sont pas des Lumières, ce ne sont pas des grands scientifiques, ils sont parfois poètes, mais bon. Donc, c'est un discours assez direct qui est très intéressant. Et dans le contexte qui nous intéresse, il y a un document qui me plaît particulièrement, c'est celui-ci, c'est un Hatte Humayun, mais cette fois-ci, ce n'est pas vraiment une réponse à une demande qui lui a été faite, c'est tout simplement une note du sultan à son vizir. On appellerait ça un SMS aujourd'hui, un courriel. C'est un document, un tout petit document, par lequel il informe son vizir des choses suivantes. Alors, le voici en turc à gauche. « Bilim vezilim, mon bon vizir ». C'est comme ça qu'on s'adresse à son vizir, quand on en a un. Et je lis la traduction. « J'ai été charmé par les présents de l'empereur de France. J'ai particulièrement aimé son portrait. En m'envoyant son portrait, il fait preuve d'une grande amitié et d'affection à mon égard. Tu ne le sais pas, toi, mais en Europe, il est d'usage d'échanger des portraits entre amis. Je suis ravi de ce geste et j'ai moi aussi fait faire un portrait. C'est un grand tableau et je l'enverrai à mon ami l'empereur. » Bon. Alors le texte, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Il est intéressant parce que, déjà, je vous le disais, il est décomplexé. C'est un texte très direct, il n'y a pas de fioritures. Il informe son vizir simplement du fait qu'il a reçu un tableau de l'empereur. Je pense que vous avez deviné de quel empereur il s'agit. C'est donc Napoléon. Et c'est après 1804. On ne sait pas exactement, il n'y a pas de date malheureusement. C'est quand même à peine 10 ans après l'expédition d'Égypte. Ce qui prouve que les relations ont été rabibochées et que les Ottomans sont maintenant en bon terme avec les Français. Typique pour cette période, puisqu'ils vont être ballottés d'une alliance à l'autre pour essayer de survivre dans ce monde extrêmement complexe qui est celui de la période napoléonienne. Mais ce qui me plaît particulièrement, c'est cette naïveté presque enfantine du gosse qui a reçu un cadeau qui lui plaît. Mais au-delà de cela, c'est que le cadeau, ça n'est pas n'importe quoi. Ce ne sont pas des bijoux, c'est un portrait. Et il y attache beaucoup d'importance, et les Ottomans n'ont pas cette tradition d'échanger des portraits. Vous avez des portraits impériaux, vous avez des miniatures représentant le sultan, mais ce n'est pas un produit que l'on échange pour les besoins de l'amitié, etc. Là, il est en train de découvrir un sport tout à fait occidental, celui de l'échange des portraits. Quelque chose qui remonte au Moyen-Âge, bien sûr, comme vous le savez. Mais c'est encore plus touchant quand il dit « Toi, tu ne le sais pas ». Mais en Europe, il est d'usage. Alors, le sultan qui crâne devant son vizir, qui essaye de lui en mettre plein la figure en lui disant « Regarde, moi, je sais comment on fait les choses en Europe. Toi, tu ne le sais pas, pauvre plouc. » Je ne sais pas ce qu'il a en tête exactement, mais... Ça, je trouve que c'est très intéressant. Parce que là, effectivement, vous avez quelque chose, et encore une fois, ce texte, il a beau être unique, il parle. Et par conséquent, on ne peut pas vraiment mettre en doute la véracité, le contexte dans lequel il a été dit. Ça, c'est une anecdote forte. C'est-à-dire une anecdote que l'on n'a pas forcément besoin de mettre en série pour lui donner un sens. Donc, c'est une anecdote où l'on l'entend parler, et où on l'entend dire des choses qui sont révélatrices d'une nouvelle mentalité. Et cette nouvelle mentalité, c'est que ce qui se fait en Europe, c'est intéressant, c'est nouveau, c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas, et le fait que moi, je sois au courant de cette tradition occidentale de l'échange du portrait, cela fait de moi un meilleur homme que toi, mon vizir. Je suis plus civilisé. Je suis plus blanc que toi. Bien sûr, ce sont des termes qu'ils n'utilisent pas encore, mais 50 ans plus tard, ils utiliseront le terme de civilisation avec cette connotation, c'est-à-dire un aveu qu'eux-mêmes ne se considèrent pas civilisés lorsqu'ils parlent de telle chose est faite de telle manière dans les pays civilisés. C'est déjà un aveu de ce que vous-même ne vivez pas dans un pays civilisé. Très naïf, si vous voulez, mais c'est comme ça que ça marche. Et ce tableau, ce portrait, malheureusement, on n'a pas celui de Napoléon, il a disparu, peut-être après 1814-1815, on s'en est débarrassé au palais de Topkapi, mais en revanche, on a, non pas l'original, mais une copie de celui de Selim, celui qu'il destinait justement à Napoléon et qui a fini à l'ambassade de France à Terapia et qui a brûlé avec ce bâtiment, mais dont on avait fait une copie que voici. Et c'est un tableau qui est très intéressant parce que on y voit une tradition esthétique artistique qui est quand même très orientale. D'ailleurs, le peintre, l'auteur de ce tableau est un Grec, Constantin de Cyzique, Kapoudal Constantine. C'est un grec, un artiste grec local qui, en gros, marie une tradition nouvelle empreinte à l'Occident avec une certaine vision assez figée des sujets qui rappelle la peinture ottomane, les miniatures telles qu'on les voit à partir du XVIe siècle. Mais c'est aussi un portrait qui est intéressant par son symbolisme. C'est un portrait en majesté. C'est-à-dire que, déjà, il regarde l'auteur, il regarde. C'est un portrait très personnel, ce qui n'est pas le cas des miniatures qui, en général, sont beaucoup plus génériques. Mais surtout, c'est un portrait qui fait usage de toutes sortes de symboliques. D'abord, la toura, c'est-à-dire le symbole de la puissance, de l'identité du sultan, mais aussi de l'État. Donc c'est l'équivalent, si vous voulez, des fleurs de lys pour les Bourbons. C'est l'équivalent du sceptre et de la couronne. C'est l'équivalent des abeilles pour Napoléon. C'est une symbolique qui, ici, est devenue décorative à la manière de l'Occident. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que faire un tableau qui représente la Toura, c'est quelque chose que vous ne verrez pas sur des représentations des sultans dans les siècles précédents ou au début du XVIIIe siècle. Là, il en fait usage à l'occidental avec une mise en exergue, si vous voulez, de sa propre identité, avec en plus le petit croissant et l'étoile, qui est quelque chose, encore une fois, qui est une innovation qui va dans le sens de l'attente des occidentaux de voir dans une représentation de l'identité ottomane cette fameuse ce croissant et cette étoile. Et bien sûr, il n'a pas de sceptre, si vous comparez ça avec les tableaux, les portraits royaux de Louis XIV, Louis XV, etc. Bon, vous n'avez pas le sceptre, vous n'avez pas le manteau d'hermine, quoique vous avez une fourrure, une pelisse ottomane qui fait office d'hermine. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous y voyez plein d'objets qui, eux, sont très significatifs et qui correspondent exactement à ce dont je vous parle depuis le début de ce cours. C'est-à-dire que en haut, de part et d'autre du petit globe terrestre, vous avez empilé, car c'est comme ça que l'on conserve les livres et les manuscrits dans un contexte ottoman, vous avez empilé les publications de l'imprimerie impériale de Constantinople, les publications des années 1727 à 32, ces publications dont je vous ai parlé, donc le Jihad Numa, etc., tous ces ouvrages qui ont été publiés par Muteferika. Vous avez une horloge occidentale, et on sait que les Ottomans sont très friands d'horloges, de pendules et de montres depuis quelque temps, mais en particulier au XVIIIe siècle. N'oublions pas que le père de Rousseau, le Rousseau, était horloger à Constantinople. C'était son boulot, c'était son et il vendait des horloges aux Ottomans. Et puis vous avez une longue vue, l'observation, la navigation, et vous avez ce qu'on appelle un écritoire, c'est-à-dire une boîte qui contient tous les outils du calligraphe, du scribe, des références directes à une identité qui veut se centrer autour de la science, de l'écriture, de la modernité, de tout ce que l'on associe avec cette transformation qui est en train d'avoir cours dans l'Empire ottoman à cette époque-là. Voilà donc une image parmi tant d'autres qui parle d'un désir de, comme pour Mahmoud Raïf Efendi, de donner un message à l'Occident et de prouver que l'on n'est plus cet oiseau exotique de l'orientalisme, mais qu'on fait partie de ce nouveau monde et qu'on est en train de se mettre à la page de la modernité en utilisant les outils nécessaires pour cet exercice. Si on s'en sert vraiment ou pas, c'est une autre question, mais encore une fois, dans un premier temps, on est bien sûr de les exposer afin de faire passer le message à son interlocuteur. Collège de France et France Culture vous présente l'historien turc Edem Eldem dans le cadre de sa série L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident. Aujourd'hui, comment retrouver les voies des Ottomans ? Quand on parle de modernité, quand on parle de transformation, quand on parle d'occidentalisation, Quand on parle de modernisation, ça n'est pas simplement un phénomène purement technique que l'on peut mesurer à l'aune de progrès physiques, tangibles. C'est quelque chose qui se passe dans les esprits. C'est quelque chose qui finit par influer sur la manière dont les gens pensent. Et dans le cas anecdotique, si vous voulez, mais quand même assez fascinant, de ce sultan qui commente le portrait qu'il a reçu de Napoléon, je pense qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus important, d'un certain point de vue, que le tableau des règlements de Mahmoud Raïf Efendi. Encore une fois, ce n'est pas pour dénigrer ce produit d'un effort intellectuel et organisationnel, administratif, d'introduire la modernité. C'est simplement pour distinguer deux registres qui sont très différents. D'un côté, vous avez un, je ne l'appellerai pas vraiment un intellectuel, un technocrate ottoman qui produit quelque chose en français puis en allemand et jamais en turc pour, comme je le disais en rigolant, mais c'est vrai, pour satisfaire l'Occident, c'est bon pour l'Occident. Tandis que dans l'autre cas, même si vous n'avez pas une publication à l'appui, vous avez les mots, la pensée, les sentiments, la mentalité d'un sultan qui, confronté à une forme de modernité, y réfléchit, l'interprète et en parle ouvertement avec un autre ottoman. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus important si l'on veut comprendre comment les mentalités changent, comment les gens commencent à voir le monde qui les entoure et les objets qui les entourent d'une manière différente. Les objets, d'ailleurs, sont beaucoup plus symboliques. Et je vous rappelle encore une fois, sur cette image, la longue vue, les livres, le globe terrestre. Voilà, là, ce sont des symboles. Sait-on si Selim III a utilisé sa longue vue, sa lunette? Sait-on s'il a lu les livres empilés dans cette étagère? On ne le sait pas. Et par conséquent, il est possible, probable même, qu'il s'en sert comme de symbole, comme un sceptre, comme une couronne, comme des symboles de majesté, mais là, ce sont des symboles de modernité. Et encore une fois, c'est un discours, un message qui est dirigé vers l'Occident, puisque c'est un portrait qu'il a fait réaliser par Constantin de Cizic, Capudal Constantin, à l'intention de Napoléon, pour répondre à sa politesse, pour lui envoyer sa propre image, comme on le fait en Europe. Donc, cette voie est très importante. Le problème, c'est qu'elle est rare. Elle est difficile à trouver, la voie directe. Ce qui manque aussi du côté ottoman, c'est la littérature épistolaire, les lettres. Alors, il y a toujours la possibilité, c'est une possibilité que nous évoquons toujours par acquis de conscience, il y a bien sûr la possibilité que nous ne soyons pas tombés sur cette correspondance. Après tout, ces gens s'écrivaient. Mais d'abord, je ne pense pas que ce soit le cas, parce que l'écriture entre amis, entre collègues, entre dignitaires, est un art qui rejoint un peu la tradition bureaucratique ou alors la tradition littéraire, poétique et littéraire dans l'Empire ottoman, et par conséquent qui tombe justement à nouveau dans les convenances et les conventions, et qui est par conséquent démuni de cette magie du verbe, cette magie du discours direct, de la conversation. Et ça, quand vous comparez cette situation avec ce que nous avons en Europe à la même époque, c'est un gouffre. Puisque en Europe, vous avez d'abord une profusion de ce qu'on appelle des égo-documents, des documents de soi, c'est-à-dire des mémoires, des journaux intimes, qui permettent à des historiens, et encore une fois, je citerai Robert Danton et son fameux « Grand massacre des chats »,« The Great Cat Massacre », qu'il a publié il y a de cela quelques temps, à partir de documents, justement, qui avaient été écrits par des artisans à Paris au XVIIIe siècle. Et par conséquent, il arrive à recréer toute une histoire, tout un drame, dans une couche sociale qui, en général, est très mal représentée dans ce genre d'études. De même, vous savez à quel point la littérature du XVIIIe siècle est pleine de lettres, à tel point que la lettre devient la source de fiction, d'un genre. Le roman épistolaire, Les liaisons dangereuses de Chauderlo ou de Laclos, c'est un roman qui est entièrement bâti à partir de lettres. Alors bien sûr, c'est de la fiction, c'est de l'invention, mais c'est de l'invention à partir de quelque chose qui existe, c'est-à-dire un genre de correspondance, un genre de conversation par l'écrit qui permet justement, même si là aussi il y a des conventions et des convenances, qui permet à se faire une idée des sentiments, des mentalités de cette noblesse du XVIIIe siècle, ce monde de la cour du XVIIIe siècle. Dans le cas ottoman, nous n'avons malheureusement que très très très peu de documents de ce genre, c'est-à-dire de documents proprement biographiques, autobiographiques. Vous avez quelques, et ils ont été publiés, vous avez quelques soufis, quelques membres des confréries mystiques qui rédigent une sorte d'autobiographie, souvent très fortement axée sur des rêves et des interprétations de rêves, ce qui les rend très intéressantes, mais ça reste quand même incomparablement faible face à la masse documentaire et d'égo documents que nous avons en Occident. Et pour ce qui est de la correspondance, encore une fois, ces gens-là s'écrivent, mais le problème de la correspondance dans le cas de l'Empire ottoman, c'est que c'est un genre, c'est une pratique qui est en très grande partie tributaire d'une profession, la profession du scribe. Le scribe, ou le secrétaire, si vous voulez, le katip, en turc, en arabe et en turc, le katip est un élément excessivement important de la bureaucratie et de la classe dirigeante dans sa pratique de la langue écrite et la communication entre les membres de cette élite. C'est-à-dire que lorsque vous pêcher un document, une missive émanant de la sublime porte, c'est-à-dire du centre nerveux de l'État, du cœur de l'État, ou alors une réponse provenant de je ne sais quel gouverneur provincial. En général, ces textes sont excessivement bien écrits. Ils sont excessivement bien écrits, tellement bien écrits qu'ils sont excessivement difficiles à comprendre. C'est proustien. C'est-à-dire que le document typique de qualité dans la tradition ottomane est une phrase interminable qui boucle le document. Et pour justement retomber sur vos pattes, après avoir commencé au début de votre document, avec des « et », des « qui », des « que », de « quoi », c'est tout un art que ne maîtrisent en fait que les professionnels. Donc, ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que ceux qui écrivent, mais aussi ceux qui lisent, c'est ce corps intermédiaire, ces truchements, ces interprètes, ces scribes, dont la profession est justement de produire le texte parfait et de le lire pour un pacha, un gouverneur, un maître, qui, normalement, ne serait pas vraiment capable de le comprendre aussi bien que son secrétaire. Alors ça crée un problème, parce que forcément, si vous avez un interprète, si vous avez un truchement, vous n'avez plus vraiment la voix de l'individu. D'autant plus que ce sont souvent des textes extrêmement administratifs et par conséquent où les cris du cœur sont souvent très absents. Et ceci est quelque chose, c'est un obstacle de taille pour celui qui essaye de de voir, d'entendre les voix, les sentiments de ces individus. J'ai vu des cas fascinants de correspondance privée entre, disons, le pacha de Chypre et un diplomate vénitien, un bail, un consul vénitien. Et là, je peux vous garantir que cette documentation, qui est conservée à Venise, est une documentation excessivement directe, puisque le texte, on le sent bien, n'est pas sorti de la main d'un scribe, mais du pacha. C'est truffé de fautes, une orthographe épouvantable, des répétitions. C'est un texte très balourd, qui n'a rien à voir avec la pompe, l'ostentation des textes beaucoup plus travaillés qui sortent de la plume des professionnels. Alors bien sûr, si on en avait un peu plus de ces textes balourds, on aurait la chance de pouvoir se pencher là-dessus, essayer de voir ce qui se cache, parce que là, effectivement, plus le texte est direct, plus le texte est gauche, plus le texte se prête en quelque sorte à des erreurs, plus vous avez de chance d'attraper votre auteur, flagrant délit de sentiments divers et variés. Tandis que le style ampoulé et galvaudé de l'administration ne vous donnera jamais cette possibilité. Alors vous avez quand même des gens d'exception qui, de par leur statut, écrivent plus, ou du moins leurs écrits sont mieux conservés, et ils écrivent beaucoup plus directement, sans avoir à se formaliser. Ce sont les sultans. Nous l'avons vu avec la petite lettre de Selim III. Il n'y a pas de formule de politesse. Le khatib, le scribe, sa profession, c'est justement de savoir exactement quelle chaîne de titres il va utiliser selon le rang, le statut de son interlocuteur. Comment il va terminer sa missive en proposant quelque chose sans jamais donner l'impression qu'il l'ordonne. Tout ça, c'est la rhétorique administrative. C'est tout un art, mais c'est justement l'art de cacher les sentiments. Tandis que le sultan n'a pas ce genre de souci. D'abord parce que personne ne va le censurer, personne ne va s'offusquer de ce qu'il pourrait ou ne pourrait pas dire, et on le voit tout de suite, il n'y a pratiquement pas d'adresse. De temps en temps, comme dans le cas de cette missive, « Benem vizirem », mon vizir, comme on dirait mon bon ami. C'est la supériorité qui lui donne ce droit de s'adresser extrêmement directement. Et lui, il ne va pas rechercher ces mots. Bien sûr, il y a des mots qui correspondent à certains concepts qui sont, par nature, un peu plus complexes que d'autres. Mais si vous regardez la syntaxe, l'orthographe même, et la grammaire utilisée par les sultans dans leur Hatte Humayun, dans leurs écrits impériaux, ça reste très compréhensible, très turc. Ça n'est pas ottoman, c'est beaucoup plus turc, c'est du turc qui est compréhensible, généralement compréhensible, par n'importe quel turc aujourd'hui. Alors bien sûr, ça réduit la richesse de la prose, mais inversement, ça permet de se pencher sur des sentiments. On y trouve toujours un petit mot, une tournure de la phrase, une expression qui en dit long sur les sentiments, sur la colère parfois, du sultan à ce moment-là. Donc c'est un discours très direct qui fait état de ses satisfactions, mais aussi de ses sautes d'humeur. Alors, bien sûr, l'idéal, ce serait de soumettre ce genre d'écrit à une analyse systématique. Puisque le problème, c'est que les Hatte Humayun, ce qu'on appelle les Hatte Humayun, donc les écrits impériaux, ce sont des placés, ce sont des demandes qui sont soumises à l'aval, à l'autorisation ou à l'accord ou au refus du sultan. Et par conséquent, ce qui intéresse les historiens dans un premier temps, c'est de savoir de quoi il s'agit et si le verdict est positif ou négatif. Donc, on s'intéresse à l'événement, à la décision, à ce qui va influer, en quelque sorte, sur une histoire événementielle. Et par conséquent, personne ne s'est vraiment penché sur une étude systématique, par exemple, uniquement de la manière dont un sultan s'exprimait tout au long de ses Hatta Humayun. Parce que dans ce cas-là, il faudrait dissocier en quelque sorte son texte de la question qui est posée et voir quelles sont les répétitions, quelle est la grammaire qu'il utilise, y a-t-il des idiosyncrasies, y a-t-il quelque chose qui nous permette de pénétrer un peu l'esprit de ces gens qui, malheureusement, n'écrivent pas de mémoire et correspondent assez peu avec des amis. Alors bien sûr, il y a des cas qui ont été assez bien étudiés, notamment Soliman et Hürrem, Roxelane, comme on la connaît en Occident, ce couple impérial du XVIe siècle, Soliman le Magnifique et sa bien-aimée unique, puisqu'il était, il s'est fait monogame, Roxelane. Alors ça, Leslie Pierce a énormément travaillé. Son étude du harem est en grande partie fondée sur l'étude des documents, bien sûr, administratifs, mais aussi de la correspondance, ou du moins ce qu'on a pu en retrouver, de la correspondance entre le couple, entre Soliman et Hürrem. Il y a une publication récente des rêves de Mourad III, fin du XVIe siècle. Encore une fois, les rêves sont extrêmement importants puisque, bien sûr, ils font partie de tout un processus de prémonition qui est extrêmement présent dans l'esprit des Ottomans. Si vous lisez, par exemple, ce voyageur d'Evliya Çelebi, dans ses rapports avec son pacha, son maître, Melek Ahmed Pacha, une grande partie de ses prouesses intellectuelles se résume, en gros, à interpréter les rêves de son sultan. Ça fait partie d'une certaine vision, d'une certaine religiosité qui flirte avec la superstition, avec des choses qui, d'un point de vue purement islamique, sont en fait inacceptables. Donc, il y a une profusion, disons, de livres de rêves, de recueils de rêves. Alors ça, bien sûr, c'est très intéressant, à condition d'en avoir assez pour les étudier de manière systématique. Et surtout, est-ce qu'on peut vraiment appliquer, disons, une méthodologie freudienne à des rêves du XVIe siècle, du XVIIe siècle? C'est très risqué. On connaît à quel point, par exemple, Bruno Bettelheim a eu des problèmes en interprétant des contes selon une méthodologie qui partait du principe que les versions qu'il lisait de ces contes étaient authentiques. C'est-à-dire qu'en fait, sans le savoir, il a analysé des contes du XIXe siècle en pensant qu'ils étaient beaucoup plus anciens. Or, on le sait maintenant, le Petit Chaperon Rouge, dans sa version du XIXe siècle, est très différent. Il a été censuré, il a été remanié par l'esprit bourgeois du XIXe siècle, et par conséquent, il n'a plus rien à voir avec le Petit Chaperon Rouge moyenâgeux ou de la période moderne dont on ne connaît même pas les origines. Donc, déjà, il y a un problème, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant puisque ça permet de voir un peu ce qui fait fantasmer les Ottomans. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Edem Eldem les 26 janvier et 2 février 2018 dans le cadre de sa série L'Empire Ottoman et la Turquie face à l'Occident. Aujourd'hui, comment retrouver les voix des Ottomans? Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Edem Eldem. Sa leçon inaugurale vient d'être publiée sous le titre « L'Empire Ottoman et la Turquie face à l'Occident » chez Fayard. Un grand merci à Marguerite Maubert et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Mérine Meneghetti. Lundi, nous poursuivrons en compagnie d'Edem Eldem l'exploration des rapports entre la Sublime Porte et l'Europe au tournant des 18e-19e siècles. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.